Oh, ok, ok, J-A-N, 20 000 rimes sous mes mots, ouais. 20 000 rimes sous mes mots, c'est yes, c'est yes. Au pied du mur, ouais. Au pied du mur, R. Ok, à ce qui paraît, je suis pas sincère dans mes chansons. Dis pas que mes rimes sont pas chiées si tu m'écoutes sans son. Bah ouais. On m'a dit petit, le monde est grand, ta passion c'est un passe-temps. L'argent n'arrivera pas par enchantement. Okay. Au départ, bah moi j'étais partant. Pour un grand avenir, à ce qui paraît, j'étais parti. Ma vie était bâtie, mais le bonheur s'enfuit pour l'endurance. Je suis trop nul, donc impossible de la poursuivre. Le temps passe et les projets se font. Une équipe se fout, l'avenir ne monte jamais ses côtés sombres. J'étais comme un poisson dans un bocal. La seule façon de créer m'a racheté par ordre vocal. Avant j'étais une ombre, j'étais personne. La musique m'a rendu fort et m'a aidé à jouer de mon sort. M'a aidé à avoir de la fierté dans les yeux de ma mère. M'a montré qu'être solitaire est mieux qu'être solitaire. Les inspecteurs, pas besoin de vous, je suis déménageur. Nager dans ce monde sombre, je suis l'otage des catacombes. Comme un voleur qui vit dans l'ombre. Dans ce monde, nous interdit tout sauf de bosser. Alors prépare le bosquet, je suis là pour vous enflammer. Survivre parmi les braises de son enfer. Maman, me voici le fils de Lucifer. Périr, on n'en a pas le choix. De toute façon, on va tous partir. Donc autant bien en finir. Parmi les derniers survivants, y'a T.I.S. néanmoins présent. Un chômeur, futur barman, le rappeur, futur hitman. Voir ce que nous réserve l'avenir est impossible. Et tu sais que personne n'est infaillible. Tu veux la vie paisible? Écoute, tu verras que je te cible. Et que de rimes je te crible. Et que de rimes je te crible. La rime sous mes mots, véridiques sont mes mots. Le temps se consume dans l'avenir. Nos vies se reflètent dans nos rimes. La rime sous mes mots, véridiques sont mes mots. Le temps se consume dans l'avenir. Et poteau, la vie ici est un jeu de rôle. Perdu dans mes rimes, je me suis perdu dans mes propres lignes. Le poids du monde est lourd, j'en ai des hématomes. La vie est courte, donc bienvenue dans mon deuxième tome. Pour le récit d'une histoire sans fin, nos sons sont à te tirer le crin. 20 000 rimes sous mes mots donnent faim. Te retrouve contraint, être au pied du mur. Et notre musique te chante tant de murs. 20 000 rimes sous mes mots.